La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. George Eliot est né en 1819 dans la campagne anglaise des environs de Birmingham. Comme toutes les femmes de son époque, elle était destinée à organiser très vite quelque chose comme un cercle de couture, ainsi que l'écrivit Virginia Woolf, qui avait reconnu en elle non seulement une grande écrivaine, mais également une féministe avant l'heure. Sa vie longue de 61 ans, nous l'avons racontée avec Stéphanie Richer-Drouet, c'était hier, au cours de notre premier épisode. Des femmes qui écrivaient, il y en avait peu au 19e siècle, mais il y eut tout de même en Angleterre Mary Shelley. Nous parlerons d'elle justement jeudi avec Olivier Larizza au cours d'une émission dans laquelle nous étudierons les rapports entre l'autrice de Frankenstein et son mari, Percy Shelley, afin de comprendre ce qu'ils ont eu, ces rapports à la fois de délétères et de féconds. On peut dire en revanche que l'homme qui a partagé la vie de George Eliot, George Henry Lewis, l'a toujours soutenu dans son travail littéraire, l'encourageant à écrire ses romans, dont le plus célèbre demeure Middlemarch, dont nous parlerons demain avec Georges Letissier. Letissier qui évoquera également d'autres thèmes comme la comparaison Eliot-Dickens, autre écrivain majeur de la période victorienne. Et aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, pour faire un panorama de l'œuvre de George Eliot, nous sommes en votre compagnie, Alain Jumeau. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature émérite en civilisation britannique à la Sorbonne, traducteur de Stevenson, Trollope, Conan Doyle, Thomas de Quincy, et donc aussi de George Eliot, dont vous allez nous présenter aujourd'hui l'œuvre. Il se trouve qu'une partie de cette œuvre paraît dans la Pléiade. C'est un volume qui rassemble deux romans, Le Moulin sur la Flosse et Middlemarch. Au fond, ce sont les deux œuvres phares de chacune des deux grandes périodes la carrière de George Eliot. On peut dire ça ? Oui, je crois. Tous les critiques sont d'accord pour remarquer qu'il y a deux périodes. La première commence avec les scènes de la vie du clergé, passe par Adam Bede, qui est un véritable roman, alors que les scènes sont des nouvelles. Vient ensuite Le Moulin sur la Flosse, et puis ce petit bijou qu'est Silas Marner. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces œuvres de la première période ? Une relative simplicité. Une simplicité apparente, parce que derrière la simplicité, il y a une grande complexité déjà. Mais disons que l'intrigue est relativement simple et on est toujours dans le même milieu. Le milieu rural. Un monde rural, donc un monde relativement clos. Alors que dans la deuxième partie, à partir de Romola, puis Felix Holt, et enfin les deux monuments que sont Middlemarch et Daniel Deronda, nous sommes dans un autre monde. Un monde qui s'est un peu ouvert, un monde qui connaît des changements, un monde qui n'est pas uniquement centré sur le cœur de l'Angleterre, des régions rurales, les Midlands, mais qui, de temps en temps, va vers la capitale, fait des excursions à l'étranger. Et il me semble que lorsqu'on est dans Romola, le roman qui commence cette deuxième partie, qui se passe en Italie, on a une impression de changement radical parce que on n'est plus du tout au même endroit, on est en Italie, on n'est plus du tout à la même époque, on est à la fin du XVe siècle, le Quattrocento, et il y a une dimension nouvelle qui intervient, c'est la dimension politique, avec, en l'occurrence, des conflits entre le parti des Médicis, d'une part, et d'autre part, le parti des gens qui soutiennent Savonarole. D'un côté, on a des gens qui aiment s'affirmer, recherchent le luxe, la beauté. Et de l'autre côté, on a au contraire quelqu'un qui rappelle à l'austérité, à la cèse, au repentir. Il y a naturellement un conflit entre les deux. Est-ce qu'on n'a pas justement deux facettes, deux tensions qui se trouvent au cœur même de la personnalité justement de George Eliot, attiré certainement par une certaine morale, une certaine austérité, et en même temps sachant relativiser cette austérité, cette morale? Bien entendu, bien entendu. Il y a les deux courants qui se retrouvent en elle, c'est certain. Est-ce que on peut imaginer que le passage de cette première à cette seconde période correspond chez George Eliot à une évolution de sa manière de voir le monde, passant d'abord de la description du milieu rural qu'elle connaît bien, dans lequel elle a grandi, à justement cette ouverture à la fois sur le plan politique, mais aussi cette ouverture à d'autres lieux, à la ville. Middlemarch est aussi une petite ville d'ailleurs, hein, une petite ville imaginaire, et même à l'international. Comment est-ce qu'on peut essayer de lier la trajectoire de l'écrivaine avec le passage d'un type de roman à un autre? Ben écoutez, ça reflète son itinéraire personnel, assurément, parce que elle a vécu dans un monde clos, dans un monde dont les limites étaient celles d'une paroisse. Elle a vécu dans une ferme. Bon. Et sa principale activité, quand elle ne faisait pas ses études, pour lesquelles elle était spécialement brillante, c'était de s'occuper des travaux de la ferme. Elle savait traire les vaches. On imagine très bien ce monde clos du 19e siècle, que beaucoup ont connu encore. Mais petit à petit, elle est allée, lorsque son père a pris sa retraite, il était régisseur de domaine, comme nous l'avons vu hier. Lorsque son père a pris sa retraite, il s'est installé aux alentours de Coventry. Elle a rencontré des gens de la ville, et ces gens-là l'ont ouverte sur un autre monde. Comme elle est devenue traductrice de Strauss, elle a pris contact avec un éditeur londonien. Et lorsqu'elle a perdu son père, lorsqu'elle est devenue indépendante, ses amis l'ont emmenée sur le continent découvrir l'Italie, la Suisse. Elle a d'ailleurs fait un séjour prolongé en Suisse chez quelqu'un qui est devenu son traducteur en langue française. Et ça a été sa première ouverture au monde. D'où la place importante de l'Italie dans son œuvre. Non seulement elle a découvert le pays à cette occasion-là, mais elle y est retournée à de très nombreuses reprises, ensuite avec son compagnon Louis. Donc il y a un apprentissage du métier d'écrivain qui est parallèle à une ouverture au monde de plus en plus progressive. Tout à fait, tout à fait. D'autre part, elle s'intéressait à ce qui se passait dans les pays qu'elle visitait, l'Italie, l'Allemagne, bon... Et il se trouve qu'elle connaissait très bien la langue de ces deux pays. Elle était très bonne italieniste et surtout excellente germaniste. Et elle avait l'occasion de rencontrer des gens, de parler du pays. Et elle s'est passionnée pour l'unité allemande et l'unité italienne. Mmh. Et il est possible que cet intérêt, qui était très vif chez d'autres personnage du 19e, et fait naître chez elle le sentiment du nationalisme, d'où la tentative timide qu'elle fait dans son dernier roman pour imaginer, avant tout le monde, une sorte de nationalisme juif. Alors ça, on y reviendra peut-être parce que vrai que c'est assez précurseur de... Et très étonnant parce que on est très très très loin des Midlands. C'est ça, et puis c'est quand même imaginer bien avant Theodor Herzl la possibilité d'un État qui soit un État juif. Exactement. On y reviendra si on a le temps, j'espère qu'on l'aura, Alain Jumeau. Le contexte encore dans lequel évolue George Eliot, c'est un contexte littéraire aussi. On peut parler d'un âge d'or du roman en Angleterre au 19e siècle. Elle évolue alors que le roman prend une dimension spéciale, grandit beaucoup en Angleterre en particulier. Tout à fait. C'est dû au fait qu'il y a de grands talents, même de véritables génies à l'époque. Vous parlerez demain de Dickens. Bon. Mais vous pensez que George Eliot c'est plus grand encore que Dickens? Je n'oserais pas faire une déclaration. Vous le dites un peu quand même dans l'introduction à la Pléiade que vous avez. Non, je remarque, en mettant de côté les sentiments personnels, je remarque que Dickens est mort en 1870 et elle-même 10 ans plus tard. Et dans ces 10 ans, et même dans les 20 ans qui suivent, jusqu'à la guerre de 14, si l'on demandait aux Britanniques quel était le plus grand romancier, je crois que les avis auraient été évidemment partagés, mais il y aurait une forte majorité pour dire que c'était George Eliot. C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, Dickens a vraiment tout remplacé, enfin, dans l'imaginaire et mondial de ce que la littérature anglaise. Oui, il y avait aussi un très grand romancier comme Thackeray, et puis des femmes qui occupaient une position importante. Hein. Vous avez parlé de Mary Shelley. Il y avait également Jane Austen, qui appartient à une autre époque antérieure, mais qui avait beaucoup de succès encore, et les Brontë. Mais dans tout ce monde, c'est probablement elle qui s'imposait comme la plus grande. Dans le rôle du temps dans l'œuvre de Proust, nous trouvons une influence visible et considérable, celle de George Eliot. Il y a déjà dans l'auteur de Middlemarch un renouvellement profond de la psychologie analogue au sien. Mais Eliot excelle surtout à nous montrer la transformation des êtres sous l'action des circonstances. Je ne vois avec elle que Tolstoï et Tourguenieff qui aient eu, et à un degré moindre, un don si extraordinaire. Il ne s'agit pas seulement de faire commettre à un héros à la fin du livre des actions qu'il n'eut pas commises au début et que comportait son caractère, mais de montrer sous la pression de quels événements quotidiens un caractère peut finir par concevoir des actions contraires à celles qu'il eut commises dans une période précédente. Dans les premières pages du roman, le père Goriot est déjà tout Goriot. Micawber, tout Micawber. Mais le Lydgate, amer et réduit des dernières pages de Middlemarch, est un autre individu que le médecin enthousiaste et altier de la jeunesse. Mais Swann, qui était reçu avant son mariage et sans en tirer vanité chez le comte de Paris, est fier, après avoir épousé une cocotte, que la femme d'un sous-chef de cabinet soit venue rendre sa visite à Madame Swann. La réussite d'un grand romancier est de rendre visible ce travail du temps. Et je ne vois pas de qualité plus rare, ni qui mérite mieux l'admiration. Créer le temps, c'est essentiellement accomplir une besogne divine. Une lecture par Vanda Bénès d'un texte du critique littéraire Edmond Jaloux. Alors George Eliot fait partie de ceux qui ouvrent la voie à la modernité littéraire. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Jumeau ? Certainement, certainement. Le travail sur le temps ? Oui, tout à fait, tout à fait. On pense à Proust, évidemment. Oui, oui. D'ailleurs, il s'est reconnu dans George Eliot, tout particulièrement dans Le Moulin sur la Flosse, qui est une sorte de recherche du temps perdu. Il y a, puisqu'on parlait de l'univers anglais, de la littérature anglaise, il y a deux écrivains dont il faut parler pour comprendre mieux George Eliot. C'est Walter Scott et Jane Austen, avec d'un côté le héros du roman historique et de l'autre côté l'héroïne du roman psychologique. Est-ce que ces deux-là, ces deux courants anglais, se retrouvent chez George Eliot? Est-ce qu'elle fait la synthèse finalement de toute cette tradition littéraire anglaise selon vous, Alain Jumeau? Je crois en effet parce que elle se situe au confluent de ces deux inspirations. Jane Austen a une très grande importance pour elle. Elle la lisait avec beaucoup d'admiration et souvent en compagnie de son compagnon Lewis, qu'il aimait beaucoup aussi. Et quant à Walter Scott, je pense que c'était le premier romancier qu'elle ait découvert. Ce qui était assez courant à cette époque-là, hein, étant donné la notoriété, le succès de Scott. Mais est-ce qu'elle fait du roman historique à la Walter Scott? On peut peut-être pas dire non, ça quand même. Non, non, non, non, pas vraiment. Si vous voulez, d'un côté, avec Jane Austen, elle s'intéresse à la dimension psychologique. Elle plonge dans la pensée de ses héroïnes. Elle adopte une technique narrative qui est propre à Jane Austen, c'est-à-dire le discours indirect libre, qui lui permet d'accéder directement aux pensées de ses personnages. Elle a hérité de Jane Austen le goût des contrastes, surtout entre ses héroïnes. Vous avez d'un côté, dans Adam Bede, Hetty et Dinah. Dans Middlemarch, vous avez Celia et Dorothea. Mm-hmm. Bon, tout ça qui à chaque fois sont en miroir parce que c'est un petit peu deux possibilités qui sont proposées au lecteur voilà. Et on essaie de voir ce que l'une et l'autre des possibilités peut donner. C'est comme un laboratoire. Tout à fait. Et de l'autre côté, elle est à l'écoute de Scott dans la mesure où elle est très attentive au milieu social, aux événements qui marquent la vie des personnages à une époque donnée, et parfois aussi à la dimension proprement historique. Mais pas partout, hein, mm-hmm. Pas partout. Il n'y a pas chez elle, à proprement parler, à part peut-être l'exception de Romola, il n'y a pas vraiment de roman historique. Toutefois, dans les autres romans, on peut dire que l'histoire n'est jamais très loin. Elle est là, plus ou moins distinctement, comme toile de fond, et qui permet de voir comment les destins individuels peuvent être marqués par une époque, par des tendances générales. Bon. Vous diriez qu'elle incarne dans ses récits l'histoire? En fait, pas forcément l'histoire des grands événements, même s'il y a une petite allusion à la Révolution française dans les scènes de la vie du clergé. Mais je crois qu'elle est consciente des grandes transformations qui se produisent, c'est-à-dire le passage d'un monde rural à un monde industriel. Ça, c'est très important pour elle. La naissance de la grande industrie. Tout à fait. Les migrations aussi de l'exode rural. Tout à fait. Et il y a une formule que j'ai trouvée dans Felix Salt qui montre à quel point elle est attentive à tous les changements et comment elle a, à sa manière, un point de vue qui est quasiment le point de vue de la sociologie, c'est-à-dire cette science nouvelle en son temps. Je cite le passage qui est très court, mais qui pourrait illustrer bien d'autres romans d'elle que Felix Salt. « Il n'existe aucune vie privée qui n'ait été déterminée par une vie publique plus vaste. » Donc c'est peut-être ce qui la différencie de Proust, justement, c'est que elle s'intéresse politiquement, finalement, à ces histoires, à ces personnages, bien davantage que Proust. Tout à fait, tout à fait. D'où cette dimension plus générale, publique, et parfois même politique dans certains romans. Alors politiquement, elle se considérait, vous allez nous expliquer ce que ça signifie, comme une conservatrice de progrès. Elle avait la passion de l'oxymore aussi. Je pense que cette formule, nous la devons surtout à Mona Ozouf. Oui, oui, oui. Et je pense que elle est très très juste. C'est une femme qui porte en elle des courants contradictoires. Elle est à la fois consciente du progrès et nostalgique. Dans le domaine politique, elle soutient le progrès, mais elle est très ironique aussi devant les manifestations du progrès. Elle est très attachée au passé. Et je dirais que ceci s'observe également sur le plan religieux. On en a parlé hier. Il est évident que c'est une agnostique. Après avoir été une croyante très fervente, et alors, il reste chez elle quelque chose d'étonnant, une sorte d'oxymore. C'est une agnostique qui garde sa foi, mais sa foi en l'homme. Il y a, dans ce rapport à la religion, chez George Eliot, toujours l'envie de pointer que la religion est insuffisante, que la religion ne peut pas répondre aux besoins des hommes et des femmes. Peut-être pas, effectivement, en tant que système, en tant que contrainte, ascèse, recherche de la sainteté, mais ce qu'elle montre, c'est que dans chaque initiative humaine profonde, il y a un mouvement qui peut atteindre une dimension quasi divine. Il y a à la fois de l'intellectualisme et en même temps du sentiment. C'est un petit Absolument. Peu ça qu'on entend aussi dans ce que vous dites, Alain Jumeau, c'est Absolument. Que pour George Eliot, les deux doivent toujours aller de pair. Il ne faut pas appliquer une grille de lecture qui pourrait être la grille religieuse. Il faut écouter aussi ce que le cœur a à dire. J'ai le sentiment qu'elle a été très longtemps marquée par ce que l'on peut appeler ses années d'apprentissage. Mmh. Et dans ces années d'apprentissage, il y a ses traductions, et peut-être la plus importante encore que Strauss, celle de Feuerbach. Vous pouvez nous redire qui il était, même si on en a dit un mot, je crois, déjà hier. Alors, Ludwig Feuerbach, dans l'essence du christianisme, avait une ambition. C'était renverser les oracles de la religion. Pour vous donner un exemple simple qu'il donne lui-même, il est inexact de dire que Dieu a créé l'homme à son image, mais qu'il faut comprendre que l'homme a créé Dieu à son image. En sorte que le Christ est venu sur la terre, le Fils de Dieu est venu sur la terre, pour nous apprendre l'amour, peut-être, mais il y a un autre mouvement très juste, c'est que dans toute forme d'amour, il peut y avoir une dimension qui atteint le divin. Et donc ça fonde un peu la pensée de George Eliot. Et George Eliot a été très marqué. Elle dit dans une de ses lettres, avec les idées de Feuerbach, je suis entièrement d'accord. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Est-ce que vous diriez, Alain Jumeau, qu'on apprend à vivre en tant que lecteur en lisant des livres de George Eliot? J'aimerais le dire, oui. Je ne suis pas absolument certain que chaque lecture donne lieu à une conversion, mais elle tenait, en tout cas, à ce que chaque livre soit une sorte de dialogue avec le lecteur, par lequel elle pourrait avoir non pas une influence didactique, ce qui lui paraissait odieux par-dessus tout, mais un échange de valeurs. Une volonté de faire réfléchir ? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et ces thèmes de prédilection, on en a déjà abordé un certain nombre, mais il y en a sans doute d'autres. Lesquels seraient-ils, selon vous? Sur quoi, finalement, voudrait-elle que son lecteur réfléchisse? La sympathie, par exemple. On en a déjà dit un mot. La sympathie, pour elle, c'est très, très important. Mais la sympathie laquelle? Entre ces personnages, avec les autres êtres humains? Oui, tout à fait. Elle veut d'abord que le lecteur développe une sympathie pour ces personnages. Même si ces personnages n'ont rien d'attachant, rien d'extraordinaire, elle insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont tout à fait ordinaire, d'une grande banalité. Ils ont des défauts apparents, et pour cela, elle ne cherche pas à les rendre meilleurs qu'elle ne les voit. C'est presque plutôt de l'empathie, alors, qu'elle propose. Oui, oui, oui. Le mot sympathie est très vaste, Gessel. Oui. Hein, ça recouvre beaucoup. Pas d'amour sans sympathie. Oui. Alors, la question de l'inscription de George Eliot dans un courant littéraire se pose. Ce serait la question de son appartenance au réalisme victorien, dont on va dire, le suspense s'arrête ici, qu'en effet, elle en fait partie. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir un petit peu ce que c'est que ce réalisme victorien? Le réalisme, on peut voir un petit peu ce que c'est, mais qu'est-ce que le côté victorien ajoute? Ça n'est pas une question très facile, je le reconnais. disons que elle veut montrer dans quel milieu se situent ces personnages et comment ce milieu a de l'influence sur eux et comment on ne peut les comprendre que si on fait ce détour. Mmh. Alors, dans certains de ses livres, elle fait même un petit peu profession de foi réaliste. Je vous propose d'écouter justement ce qu'elle en dit en tant qu'autrice à l'intérieur même de sa fiction dans Adam Beedy, dans la voix de Manuela Morgen. Je me contente de raconter cette histoire sans essayer de faire paraître les choses meilleures qu'elles n'étaient. Ne craignant rien, en fait, hormis la fausseté qui, en dépit de nos meilleurs efforts, est toujours à redouter. Mentir est si aisé, dire la vérité si difficile. Je trouve une source de délicieuse sympathie dans les représentations fidèles d'une existence monotone toute simple, qui a été le sort d'un très grand nombre de mes semblables. Plutôt qu'une vie de grandeur ou d'indigence absolue, de souffrance tragique ou d'action retentissante dans le monde. Je délaisse sans hésiter les anges portés par les nuages, les prophètes, les sibylles, les héros militaires, pour m'intéresser à une vieille femme penchée sur son pot de fleurs ou prenant un repas solitaire, tandis que la lumière de midi, adoucie peut-être par un écran de feuillage, tombe sur son béguin et frappe le bord de son rouet, sa cruche de terre et tous ses objets de bas prix qui sont pour elle nécessaires à son existence. Ou bien je m'intéresse à cette noce de village qui se passe entre quatre murs noircis où un lourdeau de mariée ouvre le bal avec une mariée à la tête rentrée dans les épaules et au visage bien large. « Pouah !» s'écriera mon ami idéaliste, « quel détail vulgaire ! À quoi bon se donner tant de mal pour réaliser une image exacte de vieille femme et de péquenaud ? Quel bas échelon de l'existence ! Que ces gens sont grossiers et laids !» Une histoire naturelle de la société anglaise, Alain Jumeau, s'intéresser à la vie de tous ses contemporains, pas seulement aux vies majuscules, entre guillemets. C'était ça le projet de George Eliot? Exactement. Nous venons d'entendre un passage célèbre, je crois que c'est le chapitre d'Adam Beedy, où elle défend son réalisme, et elle explique à quel point elle aime les peintres hollandais qui décrivent des sujets simples, des maisons, des intérieurs, tout simples. Et elle est à l'aise dans ce milieu. Mm-hmm. De même qu'elle est sensible aux gestes qui n'ont rien d'héroïque, rien de spectaculaire, aux gestes simples, qui transforment un peu la vie des contemporains et qui peuvent avoir une influence à très long terme. C'est le sens de sa conclusion de Middlemarch. Je vais citer ce passage qui me paraît très éclairant. « Car la croissance du bien dans le monde dépend en partie d'actes qui n'ont rien d'historique. Et si les choses vont moins mal qu'elles ne pourraient pour vous et moi, on le doit un peu au nombre d'êtres qui mènent fidèlement une vie cachée avant de reposer en des tombes délaissées. » Donc elle s'intéresse aux vies minuscules. Tout à fait. Parodier. Tout à fait. Et ça, c'est très moderne. Enfin, il y a quelque chose d'assez incroyablement précurseur d'une histoire que on fait aujourd'hui, qu'on fait depuis quelques décennies seulement, finalement. Cette manière de s'intéresser, finalement, à, je le disais, pas aux vies des grands hommes ou des grandes femmes, mais enfin, à tout le monde. Exactement. Oui. Alors cette esthétique réaliste, elle se trouve dans beaucoup de ses romans. On peut peut-être continuer à parler un tout petit peu d'Adam Bede et redire de quoi il s'agit. C'est un roman qui se déroule dans un cadre là encore très rustique, même s'il avait beaucoup plu à la reine Victoria, je crois qu'il avait applaudi. L'histoire, c'est Adam Bede, un jeune et honnête menuisier qui est amoureux de Etty Sorrell, la nièce des fermiers Poyser, et qui a été séduite par un autre et qui sera même arrêtée pour infanticide. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce roman ? Alors, au cœur de ce roman, il y a effectivement le thème de l'infanticide. Et curieusement, c'est un thème qu'elle a emprunté à Scott. Scott a écrit un roman, The Heart of Midlothian, qui a été traduit en français en général par la prison d'Édimbourg, le cœur du Midlothian. C'est l'histoire d'une fille qui, une fille simple, une fille du peuple, séduite et abandonnée. Et alors, ce qui est curieux, c'est que dans ce roman, le héros est un homme simple. Adam Bede est un menuisier. Et il est amoureux de cette jeune Hetty, et il espère bien l'épouser. Mais cette jeune Hetty est séduite par le petit-fils du squire, c'est-à-dire le hobereau local. Séduite, on pourrait peut-être même dire enlevée, parce qu'il cherche vraiment à s'approprier d'une certaine façon cette jeune fille. Oui. Et il y a un passage où Adam les découvre ensemble dans un lieu où ils n'ont rien à faire tous les deux. Et comprend ce qui arrive, et ça se termine très mal. Il va jusqu'à frapper son ami, qui l'a trahi. C'est donc une tragédie. C'est une tragédie, absolument. D'autant plus que Etty, qui découvre plus tard qu'elle est enceinte, part à la recherche du père, c'est-à-dire le futur squire, ne le trouve pas, et dans son errance, elle accouche et elle se débarrasse du bébé. Le rapport aux enfants est important en général. Très. Donc les enfants, il y a cet infanticide, mais il y a aussi le thème de l'adoption qu'on retrouve beaucoup Alain Jumeau chez elle. Absolument. C'est quelque chose qui peut s'expliquer par le fait que elle-même n'avait pas d'enfants. Mais n'en souhaitait probablement pas. Elle avait renoncé à avoir des enfants. Mais elle aimait les enfants, ça peut arriver. Mais étant donné sa situation avec Lewis, ils avaient décidé d'un commun accord, comme nous l'avons vu hier, qu'il n'y aurait pas d'enfants. Et je crois que elle compensait ce manque d'enfants par le fait qu'elle avait plus ou moins adopté sentimentalement les enfants de Lewis. Ces trois aînés, ces trois garçons. La première fois qu'elle les a rencontrés, ils étaient pensionnaires dans un établissement scolaire de Suisse allemande. Et la question s'était posée, comment allaient-ils l'appeler ? Il était impossible pour eux de l'appeler Mava, puisque ils avaient déjà une mère. Ils ont trouvé une bonne solution, me semble-t-il, qui a duré. Ils ont commencé à l'appeler Mutter, l'allemand qui correspond à mère. Bon. Et il se trouve que ça lui allait parfaitement dans la mesure où elle était germaniste, et c'est un mot qui la touchait beaucoup. Mais alors, les personnages féminins chez George Eliot peuvent être des personnages de mère aussi. George Eliot, qu'on a considéré comme une féministe, d'ailleurs vous pouvez nous dire un mot là-dessus, sont pas des personnages avec un destin à l'extérieur du foyer. On aurait pu imaginer que une écrivaine comme elle aurait pu donner à ces personnages féminins une dimension qui soit une dimension davantage publique. Or, il semblerait qu'elle ne soit pas allée jusque-là, Alain Jumeau. C'est tout à fait vrai, à tel point que certains critiques féministes on fait remarquer que elle avait fait preuve d'une trop grande prudence dans sa création. Il y a même certains critiques ou certaines critiques féministes qui ont écrit pour dire qu'elles étaient en colère contre elle. Mais peut-être des critiques d'aujourd'hui. Oui. Parce que si vous considérez que dans sa vie privée, elle a fait preuve d'une très grande audace, on découvre que dans la vie des personnages, cette audace ne se retrouve plus tellement. Mais quel est l'œil quand même qu'elle porte sur les personnages féminins globalement ? Alors, elle ne décrit peut-être pas des personnages qui sont très audacieux dans leur choix, encore que dans le dernier roman, il y a une exception extraordinaire, la mère de Daniel Deronda, sur laquelle j'aimerais peut-être revenir tout à l'heure. Pourquoi pas maintenant, à ce moment-là ? Non, je préfère commencer par les femmes plus conformistes. Elle ne décrit pas, par goût, des femmes audacieuses qui brisent leurs chaînes, qui s'affirment et qui mènent des vies en dehors des normes. Ça n'est pas ça. Ce qu'elle aime, c'est montrer à quel point ces femmes subissent des situations qui sont lourdes à porter. Et ça, c'est dès le début. Plutôt décrire la situation telle qu'elle est. Décrire la situation. Montrer en quoi elle est difficile pour les femmes qui sont ces personnages, mais elle ne met pas en scène la sortie du carcan. Alors, on a l'accumulation des tâches domestiques, dès les scènes de la vie du clergé. On a les femmes qui meurent en couche. On a une sorte de différence de traitement entre hommes et femmes, ce que les Anglais appellent le « double standard », c'est-à-dire le système des deux poids, deux mesures. Quand une femme est séduite et abandonnée par un homme, en général de conditions supérieures à elle, l'homme a tout de suite droit à l'indulgence, et la femme porte le poids du péché. Et en même temps, ça n'est pas tellement le cas dans l'histoire personnelle de George Eliot et de son mari, George Henry Lewis, qui est plutôt celui qui finalement a porté le poids d'une femme qui d'abord l'a quitté et qui du coup l'a empêché de se remarier avec la femme qu'il aimait. Exactement. Alors si vous voulez, George Eliot est féministe dans la mesure où elle montre ce qui accable la femme. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, de décrire des femmes qui n'acceptent pas toujours cette condition de victime. Des femmes qui cherchent à s'exprimer, des femmes qui cherchent à faire entendre leur voix de manière inattendue et quelquefois même très intempestive. Comme la mère, donc, de Daniel Deronda, dont vous souhaitiez parler. Voilà. C'est une femme extraordinaire qui est juive, et qui considère que son père veut la servir en l'obligeant à se soumettre à la tradition juive. Or, elle a un tout autre projet. Elle veut, c'est une femme qui a une voix extraordinaire, qui chante merveilleusement l'opéra, et qui veut faire carrière sur la scène. Mmh. Et une fois que son mari est mort, elle se retrouve à élever seule son enfant, elle prend... Dès le départ, pour pouvoir faire sa carrière malgré son père, elle prend ses distances par rapport à lui. Et pour que sa carrière puisse se développer normalement, elle va jusqu'à se débarrasser de son fils, Daniel. Elle l'abandonne et elle part en Italie, c'est ça, pour chanter, pour pouvoir chanter. Oui. Et Daniel ne saura que très tardivement qui sont ses parents. Et qui est sa mère, qui cherche à le revoir juste avant de mourir pour lui faire d'ultimes révélations sur son identité et lui expliquer comment, pourquoi elle a fait ce choix. Parce que du coup, c'est tout de même un personnage ambigu, parce que c'est un personnage de mère qui abandonne malgré tout son enfant. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle place sa carrière au-dessus de tout. Elle va donc jusqu'à abandonner son enfant. Et c'est quelqu'un qui fait entendre sa voix. Mmh. Alors évidemment, George Eliot était sensible à la musique. Elle avait une excellente oreille musicale. Elle aimait beaucoup le chant, l'opéra. Donc cette cette chanteuse représente quelque chose de très important pour elle. Elle peut s'identifier peut-être à elle. Mais d'une certaine manière, elle peut s'identifier un peu à elle dans la mesure où elle aussi cherche à faire entendre sa voix. Alors elle fait entendre sa voix, et sa voix n'est pas la voix de toutes les femmes qui écrivent parce qu'elle était assez dure avec ses consoeurs écrivaines un peu bas-bleus. Chaque art possédant sa technique absolue est à l'abri dans une certaine mesure des intrusions de la simple imbécilité maladroite. Mais dans l'écriture romanesque, il n'y a pas de barrière sur lesquelles puisse trébucher l'incompétence, pas de critères extérieurs pour empêcher un auteur de prendre à tort une facilité sottement inspirée pour de la maîtrise. Et c'est pourquoi nous avons, toujours et encore, la vieille histoire de l'âne de La Fontaine qui pose son museau sur la flûte et qui, en voyant qu'il en tire un son, s'écrie « Moi aussi je joue de la flûte » dans une fable que nous recommandons, en prenant congé, à la réflexion de toute lectrice féminine qui risque d'ajouter à la masse des romans stupides écrits par des dames. La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait d'un article de jeunesse de George Eliot lu par Vanda Bénès. C'est assez dur quand même ce qu'elle dit sur les autres femmes qui écrivent. Elle les regarde de très haut, non ? Oui, mais il faut dire que il y avait beaucoup de publications qui étaient parfois d'une qualité médiocre. Et elle est bien placée à l'époque où elle s'occupe de sa revue, hein, pour dénoncer tout ce qu'il y a d'inutile dans la production contemporaine. Et elle parle justement de ces femmes qui écrivent alors qu'elles n'ont rien à dire. Mm-hmm. D'où son expression « roman stupide écrit par des dames ». Parce que justement, il s'agit de montrer que les femmes ne sont pas obligées d'écrire ce genre de roman. Peut-être qu'il y a cette idée aussi derrière. Alors ça explique peut-être pourquoi elle a choisi ce pseudonyme. Pseudonyme épicène qui peut convenir pour un homme comme pour une femme et qui la dissimule en partie. Elle ne veut surtout pas que son travail soit jugé comme le travail d'une femme. Mmh. Est-ce que ça rejoint ses idées politiques ? On peut peut-être reparler un petit peu de ce roman Félix Holt, Le Radical. Il faut dire d'ailleurs que vous êtes en train de le traduire, je crois, ou qui va paraître bientôt, parce que c'est un roman qui n'était pas traduit encore en français. C'est exact, oui. Oui, c'est un roman que j'ai traduit et qui devrait sortir au premier trimestre 2021. Je dis bien qu'il devrait, parce que nous avons eu des surprises avec le calendrier de cette année. Et rien ne dit que celui de l'année prochaine sera plus sûr. Le suspense reste entier. Bon, oui, enfin, on espère quand mais même. Mais en tout cas, c'est un roman qui va sortir. Et jusqu'ici, c'était le seul qui n'avait pas été traduit en français. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut raconter un petit peu l'histoire aussi, parce que c'est sans doute le roman qui nous donne le plus d'indications sur le positionnement politique, l'intérêt pour la politique de George Eliot, Alain Jumeau. Oui, oui, oui. Il y a en gros deux personnages qui sont porteurs du radicalisme dans ce roman. Des personnages très très différents. Il y en a un qui est issu d'une bonne famille, famille de châtelains, et qui revient au pays après avoir fait fortune en Orient, à Smyrne. Il y est resté pendant 15 ans. Et sa fortune va permettre de redresser les finances de la famille, faire des travaux. Sa mère, dans un premier temps, se réjouit beaucoup de le voir revenir. Et puis, elle s'aperçoit très vite qu'il ne s'intéresse à elle que de manière superficielle. Et il la choque beaucoup en lui disant que, comme elle l'a imaginé, il va se présenter aux élections. Mais l'étiquette qu'il choisit n'est pas du tout conforme à ce que la mère avait imaginé. Alors qu'est-ce qu'il choisit comme étiquette ? Elle le pensait conservateur, comme ça se faisait régulièrement dans la famille. À la rigueur, libérale, mais il la choque en lui annonçant qu'il va se présenter sous l'étiquette radicale. Ouais. Ce qui veut dire en fait révolutionnaire. Il veut tout changer. Or, par parenthèse, George Eliot n'est pas une révolutionnaire. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, elle n'aime pas du tout la Révolution française. Conservatrice de progrès. Conservatrice de progrès, bon. Comme dit Mona Ozouf. Et de l'autre côté, il y a un personnage assez curieux, qui est radical lui aussi, mais pour d'autres raisons. C'est Felix Holt. Alors, il se trouve que Felix Holt appartient à une famille beaucoup plus modeste, famille qui se rattache plutôt à la classe ouvrière. Hein. Son père vendait des remèdes, des élixirs. Il considère, lui, que tout ça est de la supercherie et qu'il ne faut plus continuer à vendre cela. Il avait été envoyé faire des études à Glasgow, mais il y renonce par attachement aux valeurs populaires et par attachement au radicalisme. Donc il y a toute cette histoire autour du positionnement de Felix Holt qui est très intéressant. Et il faut peut-être dire un mot du contexte, qui est un contexte historique important, qui est celui de la Reform Bill. Alors, il faut que tout à fait, parce que on se trouve dans le temps du récit, on se trouve dans l'année 1832, qui marque la première réforme électorale. Et, curieusement, le roman va paraître en 66, juste avant la deuxième réforme électorale, celle de 67. La première va donner le vote aux bourgeois, la deuxième va donner le vote aux ouvriers des villes. Et il y en aura un troisième qui donnera le vote aux ouvriers de la campagne, qui sont encore très nombreux à cette époque-là. Alors, dans ce contexte, elle montre comment se passe une campagne électorale à l'époque. Alors, on va écouter un extrait toujours de ce texte de Virginia Woolf qu'on a beaucoup entendu cette semaine parce qu'il est très intéressant. Un texte qui date de 1913 et c'est lu toujours par Vanda Bénès. Elle était l'orgueil et le parangon de son sexe. Le plus que nous puissions dire pour définir son attitude envers le roman, d'après le peu que nous savons de sa vie, c'est qu'elle avait pris à cœur certaines leçons qu'on apprend rarement de bonne heure, si on les apprend jamais. La plus profondément inscrite dans sa chair était la vertu mélancolique de la tolérance. Les sympathies de George Eliot vont au destin quotidien et s'exerce avec un bonheur particulier en s'appesantissant sur le tissu grossier des joies et des chagrins ordinaires. Elle n'avait rien de cette intensité romantique qui se rattache au sentiment de sa propre individualité. Les amours et les chagrins d'un vieil ecclésiastique priseur de tabac, rêvant sur son whisky, se comparent-ils à l'égotisme flamboyant de Jane Eyre? Grande est la beauté de ses premiers livres, Scènes de la vie du clergé, Adam Bede, Le moulin sur la flosse. Il est impossible d'évaluer le mérite des Poyser, des Dodson, des Gilfil, des Barton et de tous les autres avec leur entourage, parce qu'ils se sont incarnés et que nous allons et venons parmi eux, tantôt ennuyés, tantôt pleins de sympathie, mais toujours avec cette acceptation globale de ce qu'ils disent et font, que nous n'accordons qu'aux grands originaux. Le flot de souvenirs et d'humour qu'elle déverse avec tant de spontanéité, jusqu'à ce que revive toute la structure de l'ancienne Angleterre rurale, ressemble tellement à un processus naturel que le sentiment qu'il y ait quelque chose à critiquer disparaît presque complètement. Cet extrait lu non pas par Vanda Bénès qu'on aime beaucoup et que je mets un peu à toutes les sauces de toutes les lectures, mais bien par Manuela Morgan. Alors il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé avec vous, Alain Jumor, c'est un thème qui est très important chez George Eliot, c'est la question du comique. C'est une autrice assez drôle, est-ce qu'on l'a suffisamment noté cela? Non, pas du tout. Pas du tout. On insiste toujours sur la dimension tragique. à juste titre, parce qu'elle a une vision tragique de l'existence humaine. On le voit dans Dorothée, où il y a trois tragédies, avec Dorothée dans Middlemarch. Le personnage de Dorothée? Oui. Pourquoi est-elle tragique? Parce que elle se lance dans une union avec Cussorbon qui ne lui donne aucune satisfaction, mais plutôt des déconvenues, voire des souffrances. Elle est tragique parce qu'elle n'a pas su voir que cet homme était un intellectuel un peu desséché. Desséché, oui, tout à fait. Donc elle s'est laissée avoir par son propre idéalisme. On le voit aussi avec le destin de Lydgate, le médecin de Middlemarch, qui fait un mariage catastrophique avec une femme qui accumule les dettes et qui ne comprend pas pourquoi il s'intéresse à la recherche médicale. Et qui l'oblige à mener une vie de médecin chic, gagnant beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas du tout sa vocation. Il y a une vision tragique aussi avec la famille Bulstrode. Madame Bulstrode connaît le déshonneur parce que son mari a été identifié comme un hypocrite, un manipulateur et un homme dangereux. Donc tout ça n'est pas très comique finalement. Non, non, non. Mais curieusement, dans le même roman, on découvre des dimensions comiques assez drôles, notamment avec une dame, Madame Cadwallader, qui fait des plaisanteries sur Cussorbon, expliquant que si on mettait une goutte de sang sous un microscope, on trouverait des points virgules, ce genre de choses. Des subtilités langagières aussi, des jeux de mots. Et puis alors, un épisode qui atteint la dimension de la farce, lorsque l'oncle de Dorothea, Monsieur Brooke, fait une campagne électorale, se trouve ridiculisé sur la place du marché quand il prononce un discours où il doit faire face à un pantin qui se dresse de temps en temps. Et un ventriloque répète ses dernières phrases, ce qui fait que le discours de Brooke est dupliqué, et ce qui donne envie de rire à tout le monde et retire tout sérieux à sa campagne. Alors ce n'est pas l'inspiration la plus constante et la plus courante de George Eliot, mais il faut bien voir que ces épisodes comiques sont présents dans ses romans. C'est une veine qui ne lui est pas du tout inconnue. Mmh. Et elle a ça de commun avec les plus grands. Shakespeare est tout à fait capable de mêler le tragique et le comique dans son œuvre. Elle est capable de tout mêler puisque le tragique, le comique, la politique. On a dit que si on avait un tout petit peu le temps, on redirait pourquoi elle a été très prophétique dans sa manière d'aborder la question palestinienne. Alors ça, c'est dans Daniel de Ronda. Sur le temps qu'il nous reste, peut-être que vous voudriez ajouter un mot, expliquer un petit peu pourquoi, Alain Jumeau. Oui, il se trouve que de Ronda, qui ignore tout de ses origines, finit par apprendre petit à petit, en rencontrant les milieux juifs d'abord, une jeune fille à laquelle il s'intéresse, son frère qu'elle a perdu de vue. Il finit par découvrir, grâce à la révélation de sa mère, qu'il est juif. Mmh. Et le frère de Myra lui explique que il est celui qu'il attendait depuis longtemps, celui qui va revenir au foyer juif de Palestine. Et c'est quelque chose qui précède de 20 ans à peu près ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouvrage de Herzl sur l'État juif. Tout cela nous donne envie évidemment de relire et d'aller plus loin dans la redécouverte finalement des romans de George Eliot. Merci infiniment pour cela, Alain Jumeau. On peut lire avec beaucoup d'intérêt la Pléiade que vous avez présentée et qui compte les romans de George Eliot, Le Moulin sur la Flosse et Middlemarch. Tout de suite la chronique. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique proposée par vous, Pierre Benetti, de la revue en ligne En attendant Nado. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui même, je crois, En attendant Nado publie un article en ligne sur ce roman qui s'appelle Fragments sur Abby Warburg. C'est pas un roman d'ailleurs, ce sont des documents, c'est ça, des documents originaux publiés en allemand, en anglais, en italien et leur traduction française. C'est sur la biographie inachevée du critique d'art Abby Warburg par Gertrude Bing. Racontez-nous, démêlez-nous plutôt même un peu tout cela. Oui, c'est assez intéressant que vous parliez de roman puisque c'est... C'était un lapsus. Hein, oui, c'est assez intéressant parce qu'on est assez heureux de raconter cette histoire à travers cet article de Pierre Ten qui est paru ce matin. Voici un immense historien de l'art, un esprit génial, quelqu'un d'une immense sensibilité, capable de s'intéresser autant à la peinture de la Renaissance qu'aux danses des Indiens Hopi. Voici cet homme, Abby Warburg, que la guerre rend fou. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, il est convaincu d'avoir provoqué le conflit. Il est interné pendant 6 ans, ce qui n'empêche pas la bibliothécaire Gertrude Bing de continuer l'aventure qui avait été la création de son institut, le Warburg Institute, et de rassembler des fragments autour de sa vie, de l'iconographie, des morceaux de récits. Et donc pendant 6 ans, cette histoire de l'institut continue. Abby Warburg va sortir de l'hôpital psychiatrique. Et cette femme, qui a été élève de Cassirer, qui est philosophe, historienne de l'art, et donc cette bibliothécaire, a patienté et va continuer de mener à bout cet immense projet d'institut qui rassemblait des milliers de livres et surtout des esprits absolument brillants. Il faut savoir que l'institut continue de vivre à Londres depuis son déplacement, enfin depuis son déménagement en 1933, déménagement qui a été rendu possible par Gertrude Bing elle-même. Enfin, c'est une histoire complètement folle où on voit comme ça l'aventure cassée par la guerre de cet homme qui se disait juif de naissance, hambourgeois de cœur et florentin d'esprit. Et c'est un vrai plaisir de la partager aujourd'hui. Alors, il y a un autre livre qui raconte une autre amitié, dont vous faites le compte-rendu dans En attendant Nado, et cette amitié, c'est celle de Sigmund Freud et Sandor Ferenczi. Oui, c'est aussi une histoire où on voit que c'est assez intéressant de travailler ensemble quand on s'intéresse aux choses de l'esprit. De la même manière que Gertrude Bing a accompagné l'aventure de Warburg, eh ben on s'est rendu compte en lisant le livre de Benoît Peters qui paraît chez Flammarion, que le psychanalyste Ferenczi avait compté énormément dans la création et dans l'accompagnement de Freud dans sa propre découverte de ce qu'allait devenir la psychanalyse. Et c'est très intéressant de voir la genèse et le développement de la psychanalyse à travers pas un personnage secondaire, mais presque par rapport à l'immensité de la figure de Freud. Voilà, on a ces deux personnages secondaires en ce moment dans En attendant Nado et on aime bien les mettre un peu en avant. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à lire et à découvrir sur enattendantnado.fr. Donc, pour récapituler, le Benoît Peters, Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse et puis aussi Gertrude Bing, fragment sur Abby Warburg. C'est aux éditions de l'INHA. C'est aux éditions de l'INHA. Merci beaucoup Pierre Benetti. Et puis on vous retrouve très bientôt à ce micro. Et c'était La Compagnie des œuvres, une émission qui ne serait pas possible sans la collaboration de Didier Pinault, d'Anne-Vanessa Prévost, de Laurence Millet, de Laurence Genepin, de Romain Billet et aujourd'hui de Julien Calva. Demain, on recevra Georges Letissier, professeur de littérature anglaise à l'Université de Nantes. Il viendra nous parler de George Eliot et de Dickens, mais également de la science dans son roman Middlemarch et de beaucoup d'autres choses encore. À 20h, vous retrouvez À Voix Nue aujourd'hui consacré à Juliette Gréco. C'est évidemment un hommage et c'est à Hélène Azéra que nous le devons. Et puis à 20h30, le feuilleton, c'est le projet Orloff. Mais tout de suite, vous retrouvez évidemment les sciences sur France Culture.